Et alors, il y avait des fêtes dans l'année, par exemple la Sainte-Cécile, ça se fêtait. Ça se faisait. Ouais. Ça se faisait. Ça tout se le monde faisait la Sainte-Cécile, c'était le jour férié. Ah oui, et ça se passait comment? Ben, il y en a qui allaient à la messe et puis on déjeunait. Et nous, on, quand on l'a fait chez Thibouville, je l'ai fait une paire d'années, mais il ne faisait rien. Ah bon? Surtout disant qu'il nous donnait une prime, peut-être 100 francs, 150 francs, de ce temps-là. Puis alors, quand je suis venu ici, alors là, c'était la grotte ratatia, comme on appelait. Mmh. Alors, débarrasser l'établi, camper la table, puis on cassait la croûte. Ah oui. Ah, c'était bien, tu connais. Mmh. C'était très, très bonne. Vous cassiez la croûte entre ouvriers? Ah oui, entre ouvriers. Et vos femmes ne venaient pas? Oh non, non, pas de femmes. De ce temps-là, maintenant, il faut un voyage, n'importe quoi, on emmène la femme. Tandis que nous, on faisait quelque chose, il n'y avait pas de femme. Ah bon? Quand on faisait le bal, de la Sainte-Cécile, les familles venaient si elles voulaient, mais nous, entre métiers, c'était entre métiers. Ah, oui. Il y avait une bonne ambiance. Ah, ça y est, l'ambiance.